On va parler d'NBA avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, évidemment, on va faire un peu le tour de l'actualité dans la NBA avant de parler des séries. On sait qu'on se parle une fois par semaine pour faire un peu le tour des séries. Je veux te parler d'abord. Hier, il y a une triste nouvelle. Mark Eaton, je dois te dire, c'est un joueur que je connaissais pas. Dans ce temps-là, je ne suivais pas la NBA, ou très peu. Si on parle des années 90 à peu près. Moi, j'ai commencé à suivre la NBA pas mal dans les 93-94. Il est décédé hier. Parle-moi de lui. On dit que c'est un joueur étoile. Ben écoute, c'est un. Comment je pourrais dire ça? C'est un centre typique. 7 pieds. Écoute, je pense que Mark Eaton était 7 pieds 4, 7 pieds 5. OK. Très grand joueur. Si je ne me trompe pas, passé sa carrière avec les Jazz de Utah. Un favori de Coach Sloan à l'époque. On l'appelait le gentil géant, là, un peu comme André the Giant, tu sais. Quelqu'un qui n'a jamais eu de problème. Puis. Si je peux te mettre en contexte, il a aidé beaucoup notre joueur français, Rudy Gobert. la Tour Eiffel, Rudy Gobert. Ouais. Il était souvent présent là-bas. C'était un peu comme un consultant avec l'équipe. Tous les joueurs l'appréciaient beaucoup. Il a donné beaucoup de temps aux joueurs. Mais c'était un joueur, c'était probablement, si je ne me trompe pas, il a gagné deux joueurs défensifs dans la NBA, joueur de l'année défensif, là. OK. C'est un petit peu pour ça que Rudy Gobert, quand il avait gagné son trophée défensif de l'année, il avait remercié Mark Eaton par rapport à ça. Moi, m'a donné une anecdote. Mark Eaton est un joueur des Jazz de Utah, comme je te dis. Puis et souvent on parlait de lui. Tu sais, c'était pas le centre typique de maintenant. C'était vraiment à l'époque là. C'était un gars physiquement capable de jouer contre Shaquille O'Neal, tu sais. Ah oui, ok, c'est bon, ok. Puis c'était à l'époque des quand on jouait un basketball différent, un centre différent. Peut-être que de nos jours, ça aurait peut-être pas été nécessairement son style de basket, là. Mais un gentil géant. Il a fait une fois le match des étoiles. C'est un gars qui, comme je te dis, qui était très près de Rudy Gobert. Là, un mois, Sports Illustrated avait fait même un reportage sur lui. Ouais. Pour là, un mois, là, les liens avec Rudy Gobert, comme tu T'sais, parlais. on parle de les années Stockton-Malone, le troisième, je dirais, c'est Mark Eaton. Mark Eaton. Ah oui, OK. Parce que si t'empêches Malone, Stockton de faire quoi que ce soit, ben Mark Eaton va avoir des paniers faciles. Qu'on n'en parle pas souvent de cette situation-là, c'est dommage qu'on parle de lui par rapport au fait qu'il soit décédé. Mais 64 ans, Très jeune. ouais. Puis, comme je te dis, on n'a pas. Moi, j'ai essayé de voir un peu ce qui s'était passé. Puis, il était en bicyclette. Il a pas été frappé par un auto. Fait qu'on va sûrement avoir des développés Ouais, par rapport développé, à les causes de son décès. Mais regarde, je pense que c'est une grosse perte pour les gens dans la communauté là-bas. C'était, comme je te dis, moi, tout ce que je peux dire de lui, c'est la réputation d'un gentilhomme, d'un joueur très respecté. Puis, l'organisation vient de perdre un ambassadeur de l'organisation des Jazz de Utah. Okay. On va parler maintenant des qualifications olympiques en vue des Jeux olympiques. Moi, je pense qu'il va y en avoir, là, parce que me semble, il y a des rumeurs qui disent qu'il n'y en aura pas. Puis, si ça aurait été pour être annulé, ça l'aurait été déjà, à mon avis, là. Mais ça, c'est un autre débat, là. Pascal, dans 2 ou 3 semaines, il y aura un tournoi à Victoria de qualification. Et là, la bonne nouvelle, c'est que Lukens Dort a reçu une invitation. Après ça, t'as Andrew Wiggins qui a décidé d'y aller. Ensuite de ça, t'en as d'autres. Karen Burke, je pense qu'il y va aussi. Chris Boucher. Pour la première. Chris Boucher a déjà annoncé qu'il ne jouerait pas. Ah, Chris Boucher a déjà annoncé qu'il n'irait pas. Bon, OK. Mais pour la première fois, il y a un semblant d'équipe Canada. On dit souvent que c'est une des puissances. Moi, je dis que le Canada, après les États-Unis, là, ils peuvent être pas loin des meilleurs des autres avec l'Espagne et d'autres équipes. Danny, Oui. on en a parlé souvent, OK? Ouais. Pour être une puissance, il faut que ça dure comme l'Argentine sur 20 ans, les Américains sur 30 ans. T'sais. Moi, je pense qu'on a du talent au Canada. Il serait temps que nos meilleurs joueurs canadiens, surtout, je dirais, dans une période entre mettons, 20 puis 30 ans, qui donnent quelques années à l'équipe nationale pour se faire. C'est une mentalité différente. Les Américains ont dû recommencer, je dirais, en 2004-2003 avec Coach Krzyzewski, où ils invitaient 30, 35 joueurs NBA, beaucoup des joueurs étoiles. Puis il y a des gros noms dans ça qui ne faisaient pas l'équipe, là, des Damian Lillard qui ne faisaient pas l'équipe, là, tu sais. Puis il est temps que le Canada, tout le monde embarque. Là, on a entendu Andrew Wiggins. Malheureusement, on n'aura pas la présence de Jamal Murray. Ça, c'est énorme, ça, c'est de perdre Jamal Murray. Mais il aurait été, lui, par exemple. Cause... Jamal Murray aurait absolument été là. Il a déjà joué pour l'équipe canadienne, il aurait été là. Je pense que là, on voit, avant de parler de puissance, parce que faut tu gagnes des games. Mais ils ont le talent. On l'a jamais vu, on les a jamais le vu. Talent, le talent est là, si tout le monde se présente, mais il faut le faire. Puis moi, je suis tanné, tu sais. Tu sais, Danny, c'est bien beau, le talent, mais ça prend une cohésion, ça prend une équipe. Il y a des équipes comme le Brésil, l'Argentine, la Grèce, souvent, ils n'ont pas nécessairement les 12 meilleurs joueurs comme les joueurs NBA, mais ils compétitionnent, tu sais. Puis c'est des pays où les athlètes, pour eux autres, il y a une période où le meilleur joueur NBA, un de nos rares joueurs NBA à l'époque, quand le Canada était aux Olympiques en 2000, Steve Nash, il a tout donné à Basketball Canada. Il a tout donné, là. Il était toujours là. Puis quand il était... Puis Steve Nash, entre nous deux, il était blessé pendant l'été quand il jouait avec Team Canada. Et l'année qu'il n'a pas joué pour l'équipe Canada, après les Olympiques, là, il y a eu quelques bas. Il a pu récupérer physiquement. Et là, il a eu ces deux saisons où il a été nommé le joueur MVP de la NBA. Ouais. Mais entre nous deux, c'est une bonne nouvelle d'apprendre un Andrew Wiggins. Puis l'invitation de Lou Dort, c'est phénoménal. Mais là, il ne faut pas être surpris. Maintenant, il faut le faire. Ben oui, c'est... Tu sais, la France, 12 joueurs NBA là, dans l'équipe nationale. Là. Fait que, c'est pas juste le Canada. Là, je veux dire, nous, on a une opportunité. Mais est-ce qu'on a du talent pour compétitionner? Oui. Maintenant, il faut arrêter d'en parler et il faut agir et démontrer qu'on peut le faire. Et pour revenir à ton premier point par rapport aux Olympiques, moi, Danny, marque ça dans ton calendrier. Je suis convaincu qu'il n'y en aura pas cette année. Je suis convaincu qu'il n'y en aura pas. Il me semble que ça aurait été cancellé si ça aurait eu... Ça serait déjà cancellé. Ouais, moi, je suis convaincu qu'il n'y en aura pas. De toute façon, on aura le temps d'en parler, toi et moi. Ouais. Mais bref, OK. Mais on va parler, je reviens au tournoi de qualification. Est-ce que le Canada a des chances de se qualifier? J'imagine, c'est la victoria. Si on a un bon entraîneur dans Nick Nurse, une genre de petite continuité, puis on va mettre du talent, mais je pense que oui, je pense que les Américains n'ont pas eux autres à se qualifier, donc ça nous aide beaucoup. Donc, ça serait intéressant. Faudrait qu'on se donne la peine pour notre prochaine rencontre, Danny, je vais te sortir les qualifications puis qu'est-ce qui se passe tout ça là, par rapport à qui doit faire quoi. Là. Ouais. Mais en passant, il y a du 3 contre 3 aux Olympiques. Oui, exactement. Je voulais en parler, c'est un de mes sujets aussi. Les Américains ont perdu hier. OK. Ils ne se sont pas qualifiés pour aller aux Olympiques. Est-ce que le 3 contre 3, c'est aussi... Est-ce qu'un joueur du 5 contre 5 peut être... on voit dans les tournois de... C'est un basketball différent, Danny. Okay, mais les 3 contre 3, c'est un style de basketball complètement différent. Tu peux être en moins bonne condition physique, puis ça peut presque t'aider. C'est un basketball en ce moment que je dirais que les Européens dominent. Ils mettent 3 joueurs de 6 pieds 10, 250 livres sur le terrain en 3 contre 3. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont quand même des bonnes habiletés. Là. C'est très rapide, très, très physique. Mais c'est-tu des anciens joueurs de la NBA? C'est-tu des anciens joueurs de la NBA? Non. OK. Pas ce que j'ai vu. Puis je te dirais en ce moment que les 4 meilleurs joueurs américains qui représentent les Américains en 3 contre 3, probablement que si tu prends LeBron, KD puis James Harden, là, ils perdraient. Je te dis ça en voulant dire que c'est un basket différent. C'est un basketball beaucoup plus rapide. L'autre, c'est un basketball physique. Peut-être qu'ils ne perdraient pas, mais un... Jouer 3 contre 3, c'est pas le même, tu sais. Puis il y a aussi une question de comment je peux t'expliquer ça? Souvent, c'est le premier à 21 points. Il y a un temps, tu sais. Le match, il dure un certain temps. C'est l'équipe qui a le plus de points un certain temps ou les premières équipes qui font 21 points. Les arbitres lèchent le contact. Et c'est très, très physique. Ça se passe très vite. Fait que c'est sûr que j'aurais peut-être aimé voir les anciens joueurs NBA qui ont joué dans la ligue de 3 contre 3. Ces joueurs-là, probablement, qui auraient peut-être été capables de se qualifier aux Olympiques, parce que c'est un Joe Johnson, tout ça, puis ils ont passé une ou deux saisons en jouant du 3 contre 3, Stephen Jackson. Mais jouer 3 contre 3, c'est pas vrai que tu prends 3 joueurs NBA étoiles qui n'ont jamais joué 3 contre 3, puis c'est le même style de basket, c'est pas pareil du tout. OK. Donc, j'ai hâte de voir. Je pense que le 3 contre 3, c'est appelé à avoir beaucoup d'avenir. On disait qu'en Asie et en Europe, c'est extrêmement populaire. Ça commence. Ben, on en voit d'ailleurs, il y a des tournois. Je ne sais pas si la Ligue va revenir. On en voit des tournois 3 contre 3 qui sont présentés à Fox l'été, là. Fait Oui, que absolument. j'espère que ça va revenir. Pascal, on va faire évidemment le tour des séries dans la NBA. Donc, on va commencer par la série qui intrigue beaucoup, les Lakers contre les Suns. Écoute, les Suns ont terminé deuxième, les Lakers septième. On dit tout le temps que c'était pas un vrai septième. Les Lakers sont en train de prouver, c'est 2-1 dans la série. Et là, le quatrième match, au moment où on se parle, se joue actuellement. Oui, on se parle. Écoute, c'est vrai que c'est pas un vrai septième. Est-ce que c'est un vrai deuxième? Je pense que Phoenix a connu une saison spectaculaire. Tu connais ça dans le sport, Danny. Des fois, il y a des équipes en saison régulière. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est faire les séries parce qu'ils ont eu des blessés, ils ont passé à travers des cas. Puis cette année, plus que d'autres années, il y a des équipes, écoute, avec le COVID, Ils tu ont sais, il y a joué, beaucoup de ils ont joueurs eu qui ont manqué. 73 jours seulement de saison également. L'entre-saison n'a pas été longue du côté des Lakers. Exact, exact. Oh ouais, puis c'est l'équipe championne. Fait que, et là, je dis pas que la série, je la donne pas à Los Angeles, mais on est d'accord qu'on sera pas surpris qu'il la gagne. C'est sûr que le côté chimie avec Drummond qu'on a ajouté dernièrement et le retour de LeBron et AD, mais ils sont pas à 100% physiquement. Ils vont tranquillement le devenir. Fait qu'on a besoin d'avoir l'aide de Kuzma, de Schroeder, Morris. Fait que c'est important de voir ça, mais c'est quand même une équipe, Caldwell Pope, c'est quand même une équipe très dangereuse des Lakers. Puis c'est sûr que Phoenix peuvent pas. D'avoir perdu ce deuxième match-là, ça les a fait mal parce que là, l'avantage du terrain revient à Los Angeles. Fait que non, ça serait intéressant de voir. Si Los Angeles gagne aujourd'hui, c'est fini pour Bon, Phoenix, selon moi. regarde, et au moment où on se parle, ben c'est sûr, ça veut rien dire. C'est 23-22, c'est le premier quart vient de se terminer. Les Knicks ont perdu cet après-midi, 113-96, et les Hawks d'Atlanta qui mènent 3-1. Je pense que le premier match, écoute, ça a donné le ton. Hein, le premier match, Trae Young qui réussit Ouais, ça fait mal. je voulais dire un placement, mais là, je me trompe de sport, là. T'es dans ton club de Un football. lancer, ouais, c'est ça, à la fin du match, mais ouais. Écoute, Nate McMillan, si je me trompe pas, a eu une amende de la NBA parce qu'il dit, ah, oh, la NBA est tellement contente que les Knicks sont dans les séries, ils parlent juste d'eux autres, puis ils parlent pas de nous autres. Fait que je pense que je pense que ça ne dérangeait pas d'avoir une amende parce que il a comme dit à ses joueurs, hey, moi je vous aime, moi je vous respecte, les gars. Puis oublier tout le reste de la planète, nous on va aller, bon, sais-tu quoi, on va aller battre les Knicks. Puis en ce moment, c'est ça qui se passe. On parle au niveau de la joueur, le joueur étoile des Knicks n'est pas dans cette série-là, il a disparu. Julius Randall, Randle, ouais. il a pas nécessairement performé. RJ On a est vu des tranquille aussi, hein. changements, exactement, on a vu des changements dans le 5 partant. On a inséré Derrick Rose qui venait du banc pour avoir plus d'expérience, tout ça. Fait que, du côté de New York, Tom Thibodeau se cherche un peu. Et on n'a pas vraiment de réponse. Puis Atlanta, c'est une équipe assez athlétique, assez jeune, assez grande. Et là, ils ont l'entraîneur. Puis je veux rien enlever à la personne qui était là avant Nate McMillan. Mais écoute, Nate McMillan fait un excellent travail. Lui, avec Portland à l'époque, avec Indiana, il était loin dans les séries. Fait qu'Atlanta, c'est une équipe, d'années dangereuses. Celtics contre Brooklyn, c'est 2 à 1. On parlait que ça allait être un walk in the park. Les Celtics qui donnent une meilleure show de lutte que prévu. Ben, je m'attendais pas à ce qu'il gagne un match. Surtout le fait d'avoir perdu Jaylen Brown, qui pour moi le deuxième meilleur joueur de Boston. C'est un gars à 20 points, 10 rebonds. C'est un gars qui peut faire 30 points dans un match. Donc, c'est énorme au niveau. Et Jaylen Brown apporte non seulement au niveau offensif, mais au niveau défensif, capable de jouer contre Kevin Durant, capable de jouer contre Blake Griffin. Fait que là, tu arrives puis tu te dis, bon, c'est fini. On retourne à Boston, Tatum, 50 points. Wow, spectaculaire. Boston va pas battre Brooklyn, on est d'accord avec ça. Mais d'avoir été capable d'aller chercher un match contre cette équipe-là qui probablement peut gagner le championnat NBA, pour moi, chapeau. Puis pour moi, Jason Tatum vient de démontrer ce qu'il est capable de faire. C'est un des top joueurs de la NBA, un des top jeunes joueurs de la NBA, là, c'est sûr. Ça. OK. Et ça va donner, si jamais Brooklyn affronte, ça va donner un duel de titans incroyable en deuxième ronde contre Milwaukee. Hey, ça va être bon, ça. Parlant de Milwaukee, ça a été une Ouais. histoire complètement différente de l'année passée. C'est une équipe qui L'année est. passée, Ouais. ouais. L'année passée, ils avaient perdu contre les Heat. Cette année, ils ont 4-0 d'année. Ils ont dominé dans tous les aspects, incluant au rebond, tir de 3 points. Giannis a eu un triple-doublé. Écoute, Milwaukee, comment je pourrais dire ça? Puis moi, je pense que l'ajout de Jrue Holiday crée cette différence-là, selon moi. Est-ce Il que l'avait pas. C'est un vrai malin. C'est une équipe qui comme d'autres équipes, c'est quand même assez jeune. Les Bucks, là, ils ont appris à gagner. Puis ça prenait quelques éléments. Ouais. Puis, et pour moi, l'élément déclencheur, c'est Jrue Holiday qui a commencé à Philadelphie, qui était avec la Nouvelle-Orléans. Puis là, il est dans une équipe. Là, il est heureux maintenant d'être à Milwaukee. Puis écoute, c'est une équipe dangereuse. Mais c'est le meneur qu'il n'avait pas. Et la venue de Jrue Holiday fait la différence. Donc, selon moi, là, ça l'aide. Tu sais, un meneur comme ça, ça facilite la tâche de tous les autres joueurs alentours, incluant Giannis. OK. Quand Kawhi Leonard et Paul George sont allés avec les Clippers, écoute, il y avait des grandes aspirations pour devancer les Lakers dans la bataille de Los Angeles où était incroyable, et ainsi de suite. Là, les Mavericks mènent 2-1 dans la série. Quatrième match ce soir au Staples Center. J'écoutais un podcast cette semaine de la gang d'RDS, puis ils disaient que si Kawhi et Paul George n'amènent pas les Clippers, ça pourrait aller mal à Los Angeles. Es-tu d'accord avec ça? Ben, écoute, l'année passée, ils menaient, je pense, 3-1 dans la série contre Denver, ils ont perdu. Cette année, Luka Doncic, tu lui donnes une leçon, ils perdent les deux premiers matchs à domicile. Là, ils se sont Ty Lue, puis le Kawhi, puis Paul George se sont ajustés au match numéro 3. Ils ont finalement décidé de mettre Rondo sur Doncic pour lui rendre la vie un peu plus dure. Mais moi, je pense que les Clippers ont encore une chance de battre Dallas. Pour moi, les Clippers, c'est une meilleure équipe. C'est ça qu'on parlait tantôt. On parlait d'équipe, Danny, des fois, le personnel, mais il faut que tu le fasses, il faut que tu gagnes. Et Luka n'est pas tout seul cette année. Porzingis est là. Hardaway est là. Ils ont quand même une bonne équipe. Mais ils ne sont pas prêts à passer à cette étape-là, selon moi. Mais si les Dallas bat Los Angeles, écoute, Est-ce que tu penses que tu es d'accord avec Mathieu énorme, Jolivet? Déception énorme. Mathieu Jolivet, j'écoutais son podcast, il disait que je ne serais pas surpris de voir un ménage si jamais. Ouais, mais voir un ménage, c'est tous les gars qui ne font pas un gros effet parce que tu ne peux pas vraiment faire grand chose avec Paul George, puis Kawhi Leonard, puis Ty Lue. Ouais. Tu as fait des changements, tu as pensé que Doc Rivers était un problème, puis tout ça, puis là, finalement, on a le même scénario. Première ronde contre Dallas, puis Dallas a failli passer au petit match d'élimination. Là. Fait que, écoute, non, moi, je pense que du côté de Los Angeles, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis je pense pas qu'il y a grand monde qui peut savoir c'est quoi. Mais moi, personnellement, l'année passée, on a mis le blâme sur Paul George. Et Paul George n'a pas performé. Il a dit qu'il était dépressif dans la bulle à Orlando, qu'il était déprimé de la vie. Mais là, t'as plus d'excuses, mon ami. Là. Fait que ça va être intéressant de voir. Si Dallas réussit à chercher le match numéro 4, ouf, watch out. OK. Donc, ça fait pas mal le tour. Hey, deux petits points que je suis en train de te parler, OK? Oui. J'avais oublié de te parler. Jalen Green, le gros prospect là, qu'on a parlé, là, qui a fait le saut en G-League, on en a parlé lors de notre dernière intervention. Lui, ouais. Il a déclaré qu'il est très heureux de son choix, puis il encourage tous les jeunes à venir à faire le saut en G-League. On l'a dit lors de la dernière intervention, probablement que les top 3 qui sont des trois prospects de la NCAA, pas de la NCAA, mais les trois prospects du repêchage vont passer par la J-League. C'est un gars comme Jalen Green, qui a bien fait d'ailleurs, là, fait le saut, ça va faire des petits. Hein? Mais, premièrement, moi, tu sais, Danny, tu connais tous les sports. Okay? Ouais. Au baseball et au hockey, c'est normal qu'un jeune de 16-17 ans soit dans les ligues mineures. On est d'accord avec ça? Ouais. Fait au basketball, ça n'existait pas. Les ligues mineures au basketball et au football, c'était la NCAA. C'est le circuit universitaire. Ouais. Fait que c'est deux ligues qui... Je ne cassais pas la tête. Notre circuit mineur... Nous, ce qu'on fait, là, on regarde des matchs, on regarde des coachs, puis on va chercher des entraîneurs, puis on va chercher des joueurs dans ces ligues-là qui nous coûtent $0. Okay? Mais les temps changent. La NBA a commencé à dire, attends, nous, on veut les développer. Fait que là, en partant la G League, c'est pas juste des joueurs qu'on développe, c'est des arbitres, c'est des entraîneurs, c'est des directeurs généraux. C'est tout le staff qui suit. Un gars comme Charles Dubébret, qui était avec le 905, c'est comme son école. Lui, il a une meilleure chance que presque n'importe quel entraîneur universitaire canadien de tomber dans la NBA, même s'il n'a jamais coaché une université au Québec, au Canada. Il rentre à la CBL, je pense que c'est le recul. Mais je te parle d'un niveau universitaire, d'une ligue universitaire. Fait, mon point dans ça, Danny, c'est que si tu as le talent, quand je te dis que tu as le talent, tu es identifié. Demain matin, mon garçon, il est identifié top 5, top 6. Moi, je l'envoie dans la G League à 500 000 $. Ben comprends-tu? Ouais. Parce que la fenêtre d'un athlète professionnel, elle est quand même. Bon, disons qu'elle a allongé un peu plus parce que la technologie, puis le training, puis tout ce qui va alentour de l'entraînement d'un athlète, puis la nutrition, tout ça, c'est tu peux jouer. On voit un gars comme Brady à 44 ans, c'est ridicule. Phil Mickelson. Exactement. Fait que tu peux te rendre loin maintenant avec la technologie. Ouais. Mais une carrière d'un athlète, tu sais, en général, c'est dans la NBA, c'est 4-5 ans, 3-4 ans. NFL, c'est 3-4 ans, tu sais. Fait que là, si tu as une chance, regarde, je vais donner un meilleur exemple. Karim Mann, qui a joué à Vanier, qui a décidé de se mettre dans le repêchage, il n'a pas été repêché, mais il a signé un contrat avec Orlando. Il a quand même fait 300 quelques mille cette année. OK. Il était. Fait que là, tu te dis, bon, lui, il peut retourner à l'université s'il veut. Il peut aller jouer en Europe, il peut faire des camps d'été, il va probablement essayer de se rattraper avec une autre équipe NBA. Maintenant, s'il aurait fait 3 ans dans la NCAA ou 4 ans dans la NCAA, peut-être qu'il n'aurait pas été repêché, on ne sait jamais. Moi, je dis toujours, tu dois, c'est quoi l'expression, battre le fer quand c'est chaud, je me trompe pas. Effectivement. Si quelqu'un m'arrive et me dit, hey, Pascal, il y a un club d'Adjili qui veut signer ton gars pour 500 000, ben on est parti, on arrive. Il y a un club en Europe qui veut signer ton gars pour 1 million, on est parti en Europe. La NCAA, c'est le troisième choix maintenant. L'Europe, la G League, puis bon, mais là, mais on sait, puis il y a du monde qui dit, ah, mais là, ces jeunes-là, s'ils se sont trompés. Non, ils ne peuvent pas se tromper parce que ces jeunes-là sont identifiés. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Danny. Ouais. Ils sont identifiés, je veux dire. Peut-être qu'ils ne seront pas des 10 ans All-Star, mais ils sont identifiés où ce que, regarde, on te donne 500 000, viens passer une saison dans la G-League, va-t'en dans le repêchage après. Au lieu de faire ta dernière année au secondaire où tu peux te blesser et tu n'auras rien, $0. Fait que pour moi, c'est une très bonne décision, puis ça va. Il a raison, Jalen Green, ça va continuer. Les top joueurs vont continuer à jouer dans la G-League maintenant. Okay. Écoute, ils s'entraînent tous les jours, le focus et le training basket. OK. Dernier point. Ben, il me reste deux petits points. Quincy Guerrier. Oui. T'es allé à Oregon. Oui. Ouais. T'es surpris? Non. De plus en plus, c'est une nouvelle mode aux États-Unis. Les joueurs, ils ont une raison pour pouvoir quitter une université et jouer tout de suite. Fait que je pense que Quincy voulait chercher quelque chose de différent. Il a exploré le côté NBA. D'après moi, il s'est fait dire que cette année, il n'était pas en première ronde, disons la vérité. Puis j'ai pas parlé à Quincy dernièrement, fait que je peux pas te dire. J'ai essayé d'y parler cette semaine. Fait que d'aller jouer à Oregon, c'est une très bonne décision pour lui. Je souhaite bonne chance. Moi, j'ai un de mes jeunes qui est à Northeastern, puis lui a décidé de rester à Northeastern, mais il commence à avoir des offres de gros collèges. Okay. Fait que là, c'est drôle parce que là, c'est rendu comme des pros, le côté universitaire. T'as une bonne saison, mais souvent, c'est rare que je vois quelqu'un partir de Syracuse à Oregon. Voilà, mais quelqu'un, c'est ça, oui. Quelqu'un qui part de Albany ou Siena ou Northeastern, puis s'en va jouer à Duke, ah oui. Là, c'est plus normal. Syracuse, parce qu'il était dans 6 partants. Tu sais, il y en a un là, qui était dans 5 partants. C'est surprenant pareil. Je sais pas ce qui s'est passé. Là. Mais dernier point, vite, c'est beaucoup plus long que d'habitude. Il y a 6 écoles de high school aux États-Unis qui ont formé une Super League. T'as entendu parler de ça? Qui veulent former, en fait. C'est une bonne chose, ça, populariser l'high school aux États-Unis. T'as entendu parler de ça? Non. Ah, tu m'annonces ça, Danny. OK, donc... Je vais m'informer, je vais suivre ça. Est-ce que IMG est dans ces écoles-là? Ben, c'est les 6 grandes universités, là, les 6 grandes high school, pas université, mais high school. High school. C'est ça que tu parlais d'IMG. Ça, c'est une bonne Mais nouvelle. je vais faire mes devoirs cette semaine, puis on en reparle la semaine prochaine. Okay. Pascal Gobin, qui est notre chroniqueur. Vous pouvez écouter d'ailleurs une émission, Pascal, que tu vas faire cette semaine-là. Les grandes entrevues que vous attendez au 89, ça va être sûrement très intéressant. Merci beaucoup. Notre À bientôt, ami Danny. Pascal Gobin.